L'autre jour sur terre comme ces milliers d'autres, il faut que je m'aère avant que ma tête saute. Empruntant l'escalier, je descends voir l'humanité. À l'orée de la nuit, les rues pleines de vie, je me trace un chemin dans un carré parisien. Y'a de la magie dans l'air, je suis heureux d'être sur terre. Puis j'ai remarqué cette jeune dame, au visage pâle et au regard fade. Pourquoi ne pas marcher ensemble dans ce monde où les cimes tremblent? Le soleil meurt, c'est à n'y rien comprendre. C'est à n'y rien comprendre. Ton souffle ne dort jamais très loin de moi. Tes cheveux d'or m'agacent encore. Blonde, blanche, je sens encore le mouvement de tes hanches. C'est en descendant l'avenue que j'ai rencontré les acrobates de rue aux dents enflammées. Les muscles tendus, ils nous donnaient de quoi rêver. Le rideau baissé, je me suis installé dans un petit café plein de grands habitués. J'ai fermé les yeux, ah enfin nous voilà tous heureux. Tous ces petits et grands moments, souvent un film tellement important. Pourquoi ne pas s'asseoir ensemble dans ce monde où les immeubles tremblent? Le soleil meurt, c'est à n'y rien comprendre. C'est à n'y rien comprendre. Vos rires résonnent tout au fond de mon âme. Les héros meurent et la vie fane. Encore et toujours là, non, je ne vous oublie pas. Il est l'heure de rentrer dans ma tour désertée. L'esprit reposé, vais-je devoir tout quitter? Mes mains ridées, ma balade a sûrement trop duré. Je clôt mes yeux pour la dernière fois. Je vous retrouve tous autour de moi. Pourquoi ne pas partir ensemble dans ce monde où les immeubles tremblent? Le soleil meurt, c'est à n'y rien comprendre. C'est à n'y rien comprendre. Dernier jour.